Elle a dit ceci. Hadil lafza, cette prononciation, lamir malouchen kot, ils n'ont fait aucune bonne action de bien. Minal jins, donc fait partie du genre de ce que disaient les Arabes en annihilant, je ne sais pas si le mot annihilant, c'est-à-dire en faisant la négation du nom par rapport à une chose, l'inoxi, pour sa diminution, anil kamal wa tamam, de la perfection, et comment, le mot de la perfection, et le fait que ce soit complet. Fama'na hadil lafda, donc le sens de cette formule-là, donc l'amir ma'ukhayn kot, ils n'ont fait aucune bonne action de bien, ala hadal os, sur cette base que, comme quoi les Arabes utilisaient, ça veut dire quoi? Lam ya'malu khayran qat wa la tamam wa al kamal, ils n'ont fait aucune bonne action de bien, de la perfection et le fait de bien faire. La'lama ujiba alayhi wa umira bihi, et non pas, donc ça veut pas dire, et non pas à sur ce quoi on leur a rendu obligatoire et ce quoi on leur a ordonné. Fin de citation. Là, là, je reviens aux questions, je vais lire les questions. Humility 1, wa alaykoum salam wa barakallahu fikoum. Est-ce que quelqu'un enregistre les cours? Oui, j'ai enregistré aujourd'hui, c'est par rapport à un essai, mais j'ai donné 4 cours par rapport au livre, donc le fait de délaisser la prière. Par contre, c'était juste un essai parce que j'ai pas enregistré le deuxième et le troisième. Mais les cours que je ferai la prochaine fois, je les enregistrerai, Inch'Allah. Y a-t-il une réfutation des autres arguments utilisés par ceux qui ne kafirent pas, ceux qui ne prient pas? Alors, oui, il y a d'autres arguments utilisés. Smahli, je ne sais pas si Smahli. Bon, je te pardonne, hein, Smahli. je ne sais pas si, je n'ai pas fait attention si tu avais suivi les cours d'hier, d'avant-hier, mais il y a eu des réfutations. La Rosamine a réfuté certains arguments des autres. Donc voilà. D'accord. Donc si quelqu'un veut le micro, qu'il lève la main. Hein, ou aussi quelqu'un veut poser des questions, barakallahu fikoum. Sinon, il est déjà 22h05. Sinon, le cours va s'arrêter ici. Comme le hadith qui dit selon la famille, c'est une prière. D'accord. Barakallahu fikoum. Voilà, Ouda. Ce hadith-là, il n'a pas été réfuté par l'Othaymin ici, mais il est réfuté notamment par Charles Islam Ibn Taymiyyah. Et que la réfutation se fait par ce hadith même. La réfutation se fait par ce hadith même. Où le prophète, donc je lis la traduction que tu as mise, 5 prières sont prescrites par Allah aux fidèles au cours du jour de la nuit, quiconque les accomplit sans rien omettre par mépris. Et c'est là qu'il y a l'argument. Sans rien omettre par mépris. Allah s'engage à le faire entrer au paradis. Quiconque ne les observe pas ne bénéficie d'aucun engagement auprès d'Allah, il peut le châtier s'il veut ou faire entrer au paradis. Dans ce hadith, si on prend comme ça, à la fin, il est bien marqué, il peut le châtier s'il veut ou le faire entrer au paradis. Ça implique quoi? Que cette personne-là, qui a fait quoi? Et je prends cette comme tu as traduit, les accomplit sans rien omettre par méprise. Donc c'est la personne qui vient avec ses 5 prières obligatoires et qui sont, on va dire parfaites, qui a fait ses 5 prières obligatoires dans leurs heures, c'est-à-dire qu'il n'a rien omis par mépris. D'accord? Celui-là, d'accord, il va au paradis. Celui qui ne fait pas ça, Allah Azzawajal peut le châtier ou le mettre au paradis, ça implique donc qu'il est musulman. D'accord? Ça implique qu'il est musulman parce qu'il peut soit aller en enfer, soit au paradis. Mais là, la question est posée. Il ne fait pas quoi? Il ne fait pas ce qui... c'est-à-dire qu'il ne, comme c'est marqué, sans rien omettre par mépris. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire des choses, il va omettre des choses par mépris. Il va omettre de la prière des choses par mépris. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois, aujourd'hui, il ne va pas faire le fej, mais il va faire le ras, etc. Et comme on a vu, et c'était l'avis, comme je vous l'ai dit, de Charles Ibn Taymiyyah de l'Othaymin, celui-là qui est mécréant, c'est celui-là qui délaisse la prière, c'est-à-dire que la prière en elle-même, c'est-à-dire qu'il ne fait aucune prière. C'est pas qu'il délaisse une prière, c'est qu'il délaisse la prière. Ce qui veut dire par rapport à ce hadith, que celui-là qui délaisse des prières, c'est-à-dire qu'il omet par mépris des prières, il est toujours musulman. Et Allah peut le châtier comme il peut le faire rentrer au paradis. Et donc, dans ce hadith, il n'est pas dit celui qui ne fait aucune prière. il peut aller au paradis ou en enfer. J'espère que je me suis bien fait comprendre comment on répond à ce hadith par rapport à ça. Une preuve, la preuve aussi comme quoi, contrairement à ce que disent certains savants, donc c'est, comme je l'ai dit, c'était la parole de Ishaq ibn Rahawayh, celui qui délaisse une seule prière, il est mécréant. D'accord ? Celui qui délaisse une seule prière, il est mécréant. C'est la parole de Ishaq ibn Rahawayh qui était bien avant Ibn Hazm, qui était à l'époque de l'imam Ahmed. Et c'est la parole, notamment à notre époque, de Ibn Baz. Et d'autres, parmi la Lejna, une seule prière des mécréants. Et d'autres, comme je dis, alors c'est Min ou Charles Ibn Taymiyyah, ils disent non, c'est toute la prière. Comment on se base sur ça? C'est toujours par la parole au Alif Wallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna bayna rajuli wa bayna al kufri wa shirk tarku, tarka as-salah. Entre l'homme et entre la mécréance et le shirk, il y a quoi? Le délaissement, l'abandon de la prière. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tarka as-salah. Il n'a pas dit tarka salatin. Il n'a pas dit le fait de délaisser une prière. Il a dit le fait de délaisser, d'abandonner la prière. La prière. Or, quand une personne n'a pas fait une prière dans la journée ou deux ou autre ou plus, mais qu'il prie toujours, on ne dit pas qu'il a abandonné la prière. Il l'a fait toujours, mais comme c'est dans le hadith qui est rapporté par Smahli, il a omis des choses par mépris. D'accord ? Il ne vient pas avec elle, avec les cinq, parfaitement dans son heure, dans ses heures et tout ça. Et dans ce moment-là, c'est ce hadith qu'on comprend, comme quoi cette personne-là, il peut être châtié comme il peut aller au paradis. Barakallahu fikoum, voilà comment on répond. Pour repère de sagesse, wa alaikum wa barakatuh, comme j'ai dit, c'est avant Ibn Hazm, c'est Ishaq ibn Rahawayh qui a dit ceci, et pour apparemment à cette époque, il y a Ibn Baz et d'autres que lui parmi ceux qui étaient dans la Lejna, qui disent qu'une seule prière, la personne qui ne délaisse une seule prière, c'est un mécréant, il redevient musulman que s'il fait un taouba. Et bien sûr qu'il ne délaisse aucune prière. Donc vous pouvez voir combien de takfir fait Ibn Baz sur les gens qui se prennent musulmans dans le monde. D'accord, donc si on nous traitait de takfiri parmi ceux qui aiment bien Ibn Baz, ils devraient se poser la question si Ibn Baz c'est pas un peu un takfiri, parce qu'il y a beaucoup de gens qui couffent dans ça, le fait de délaisser une seule prière, il est mécréant. Bon, apparemment, il n'y a plus d'autres questions. J'espère que pour Smahli, j'ai bien répondu à ces questions. S'il y a d'autres questions, allez-y maintenant. Sinon, je vais arrêter le cours. Et bien sûr, on prendra un nouveau cours demain. Alors, je pense... Smahli, très bien. Barakallahu fik. Inch'Allah, les cours dont ça se passera tous les soirs, comme j'ai dit, de 21h à 22h, jusqu'à ce qu'il y ait un changement d'horaire, parce qu'au moment où il y aura un changement d'horaire, je ne me rappelle plus quand, à la fin du mois, par là. Et donc, les prières, on va les faire un peu plus tôt, par rapport aux horaires qui vont faire. Hein. Donc, ça sera plus normalement, je crois, de 21h à 22h, mais de 20h à 22h. Mais tant que l'heure n'a pas changé, là, c'est toujours de 21h à 22h. Tous les jours, Inch'Allah, hein, il peut y avoir un empêchement. S'il y a un empêchement, je ne peux pas venir, j'essaierai de prévenir, mais où prévenir, ça va être difficile. Sauf que, attendez, oui, je vous mets ceci. Voilà, je vous laisse de ceci. À la fin, vous avez le site repèredesagesse.com, d'accord? Et à la fin, vous avez un site qui s'appelle islam.france.overblog.com. Ça, c'est un blog que j'ai fait, d'accord? Où vous trouvez certains de mes cours en audio que j'ai fait sur le fiqh et sur le tawhid, ainsi que d'autres choses. Si jamais je ne peux pas venir un soir, normalement, soit repère de sagesse ou sur le blog, ça sera marqué. D'accord? Mais si par exemple à 21h10, vous ne me voyez toujours pas arriver, donc ne perdez pas votre temps à 21h10, ça veut dire que je ne viendrai pas et je m'excuse si je n'ai pas pu vous prévenir ou si vous n'avez pas pu aller sur un des sites pour savoir si je suis là ou pas. Parce que le problème, malheureusement, sur Paltalk, c'est que je ne peux pas laisser un message, ou c'est très très difficile de laisser un message en disant que aujourd'hui je ne peux pas faire cours. Sur le site de Repère, ok. Donc je préviendrai le frère de Repère de Sagesse, Barakallahu Fihi, et si je ne suis pas là, donc il le mettra sur son site, Inch'Allah, et aussi, Inch'Allah, sur sa page Facebook. Omar bin Laden. Est-il possible de prier environ 10 minutes ou 10-15 minutes avant l'heure affichée dans les calendriers application site? Ah. J'ai pas fait attention là, je sais pas pourquoi mes micros étaient coupés, donc ça se trouve j'ai parlé, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Si quelqu'un pouvait me dire. Ah ouais. D'accord. Donc je vais répéter ce que j'ai dit, parce que je ne sais pas si vous m'avez entendu quand j'ai dit cette chose-là. Ensuite, je vais répondre à Omar Abdullah, Inch'Allah. Il y a cours, donc tous les jours, de 21h à 22h. À la fin du mois, normalement, il y a un changement d'horaire. Donc là, non, je pense que ça va être de 20h à 21h. Mais pour l'instant, tant que l'horaire n'est pas changé, c'est de 21h à 22h tous les jours, Inch'Allah. Je vais vous dire quel livre, bientôt, à partir de demain, on va étudier, Inch'Allah. Si je ne peux pas venir, si j'ai un empêchement, j'essaie de ne pas en avoir. On en était au décalage. Ok. Donc maintenant, si j'ai un empêchement, je préviendrai Repère de Sagesse sur son site. Et donc, vous avez. Là j'ai mis. Et je. Comment dirais-je. J'ai remis un texte où dedans, vous avez la page de Repère de Sagesse. Et donc, si je ne peux pas venir, je préviendrai le frère de Repère de Sagesse, Jazahullah Khairan, qui mettra sur son site et aussi sur sa face Facebook. Sur sa page. Oh, sa page Facebook. Excusez-moi. Il m'est très difficile, vous savez, il est très difficile de laisser le salon ouvert sans qu'il n'y ait pas d'ordinateur. Et donc, sinon, je l'aurais fait sur le site, mais sur le salon de Patok, mais ça, je pense pas que ça soit possible. Mais je ferai toujours en sorte d'être là de 21h à 22h, Inch'Allah. Voilà. Pour les prochains cours à partir de demain, Inch'Allah, je vais faire ça. Je vais voir dans un premier temps si ça marche. Inch'Allah, ça marchera. Sinon, il y aura cours de 21h à 22h. On dépassera un petit peu comme on fait d'habitude. Hein. Et on va étudier dans la même heure deux livres. Inch'Allah. Un livre dans le fiqh qui est Murtasar Abi Shujar. Et ce livre-là, j'avais déjà commencé à l'enseigner. D'ailleurs, sur mon blog que j'ai marqué qui est islam.france, vous avez normalement. Vous avez marqué cours de fiqh et cours de tawhid. Vous êtes dans cours de fiqh. Vous pouvez, si vous voulez, l'enregistrement n'est pas très bon, mais vous pouvez reprendre les cours que j'ai fait. Et donc, j'ai enseigné de ce livre-là, qui est le livre Murtasar Abi Shujar, de l'imam Abi Shujar, qui est un mat, donc un texte de base de fiqh, dans le madhab al-Shafi'i. D'accord ? On va changer un peu, parce que généralement, les frères, ils enseignent toujours le madhab al-Hanbali. Donc là, on va prendre le madhab al-Shafi'i, Inch'Allah. C'est un petit mat qui est très bien fait. Très bien organisé, très court, mais il donne vraiment l'essentiel, et machallah, il est bien fait. Donc, comme j'ai dit, j'ai déjà enseigné tout le livre de Tahara, de la purification, et le livre de Salat, de la prière. Et je venais juste de commencer à Zakat, mais j'ai dû partir, donc j'ai pas pu le finir. Donc, ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est qu'on va prendre de ce livre à partir de là où je me suis arrêté, donc à partir du chapitre de la Zakat, donc à partir du début du chapitre de la Zakat. En sachant, comme ma frère me l'avait dit, ou plusieurs, je ne me rappelle plus, dans le fiqh, les gens enseignent toujours la pureté et la prière. Et puis, généralement, ils ne vont pas plus loin. Donc, ça tombe bien, nous, j'ai déjà fait les deux sur ce livre-là, mais là, on va aller plus loin, on va faire la Zakat, Inch'Allah, et puis on va faire après le jeûne, le Hajj, et on va faire tous les chapitres, Inch'Allah, de ce livre. C'est-à-dire aussi le chapitre de la vente, avec toutes les sortes de ventes qui existent, le Azawaj, le mariage, le Talak, le talak, après le mariage, c'est quoi en français, astaghfirullah, le divorce, d'accord, ainsi que le hudud, les peines légales. Donc on va étudier les peines légales pour celui qui boit l'alcool, celui qui fait zina, celui qui fait al-liwat, c'est-à-dire que c'est l'homosexualité, d'accord, parce que ça c'est totalement haram, comme vous le savez. D'ailleurs, il faut le rappeler ici, vers 7 ans, surtout en France, là où ils autorisent à